à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur Radio Gamozo 107 FM. Je suis ravi de vous retrouver en ce lundi, c'est Chris et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle édition de L'Acre Histoire du Catch. Souvenez-vous, la semaine dernière, nous avions parlé de plusieurs styles de catch et nous avions décrit ce que signifiaient ces styles en question. Comme promis aujourd'hui, nous allons prendre un petit cours de définition de termes dans le monde du catch. Ainsi, nous serons toutes et tous presque totalement incollables. Ceci sera donc la cinquième partie, et comme toujours, je vous souhaite une bonne écoute. Pour procéder à ce petit cours, si nous pouvons appeler cela ainsi, nous allons traiter des termes dans l'ordre alphabétique. Nous allons donc commencer, en toute logique, par la lettre A. Commençons donc ce petit cours par le premier terme, le A-Show. Pour les promotions et les fédérations diffusant plusieurs émissions, un A-Show est une émission qui comprend des catcheurs ou des catcheuses de premier plan et où les intrigues principales, que nous appelons storylines dans le monde du catch, évoluent régulièrement. En général, les rivalités menant aux combats composant la carte de gros événements sont construites dans les A-Shows. Ce terme est employé par opposition au terme B-Show que nous développerons dans cette chronique. Le deuxième terme que nous allons expliquer aujourd'hui est celui du A-Team. Ce nom vous fait peut-être penser à la série télévisée Agence Tourisme, avec notamment George Peppard, Dwight Schultz, Dirk Benedict et Mr. T, qui a d'ailleurs catché dans l'ancienne WWF, aujourd'hui WWE. Ou alors, vous pouvez peut-être penser au film éponyme, avec Liam Neeson, Bradley Cooper, Charlton Copley ou encore Quinton Rampage Jackson, mais n'en est rien. Dans le monde du catch, un A-Team est une équipe ou un clan solidement établi et utilisé majoritairement en tant que tel dans les principales rivalités d'une promotion ou, tout du moins, de sa division par équipe. Comme pour le A-Show, un A-Team est en opposition avec le terme B-Team. La B-Team était d'ailleurs une équipe à la World Wrestling Entertainment ou WWE, composée de Bo Dallas, le frère de Bray Wyatt, et Curtis Axel, le fils de la légende du catch, Mr. Perfect. Le prochain terme que nous allons aborder aujourd'hui est le terme agent ou road agent. Un agent dans le monde du catch est une personne qui instruit les catcheurs ou les catcheuses à préparer les combats. Il les aide. Habituellement, les agents sont des catcheurs retraités et rompus à la préparation des matchs selon les règles élémentaires de psychologie de combat. Voyons maintenant le terme alignement. Un alignement est le type de personnalité utilisé par les catcheurs ou les catcheuses, donc heel, méchant, ou face, gentil, mais nous les développerons bientôt. Voyons maintenant ce que nous appelons un angle. Au sens large, un angle est une intrigue spécifique parmi les histoires scénarisées racontées dans le catch. Le terme angle est un synonyme du terme storyline que nous développerons dans une prochaine chronique. Cependant, dans un sens plus restreint, un angle est un segment narratif entre deux matchs lors d'une émission ou d'un spectacle de catch et visant le plus souvent à introduire une rivalité ou faire se poursuivre un scénario en cours. Passons maintenant à la lettre B, voulez-vous ? Comme je le disais tout à l'heure, nous allons parler du B-Show. Pour les promotions, les fédérations diffusant plusieurs émissions, un B-Show est une émission qui comprend des catcheurs ou des catcheuses de second plan et où les intrigues principales ne s'y développent pas ou peu. En tout cas, sensiblement moins que dans un A-Show, qui est le terme désignant, au contraire, le show principal d'une promotion. Maintenant, après le A-Team, parlons du B-Team, non pas l'équipe composée de Curtis Axel et Bo Dallas, mais du terme en lui-même. Un B-Team est une équipe ou un clan de second plan, parfois même créé sur le tas, pour s'occuper des lutteurs solo dépourvus de plan, pour compléter une carte ou une division par équipe. C'est donc le terme utilisé par opposition au A-Team. Passons maintenant au terme « Backyard Wrestling » ou catch de jardin. Ce terme, comme j'en ai déjà parlé dans une précédente chronique, est fortement péjoratif et désigne le catch imité par des amateurs, souvent dans leur jardin, d'où son nom, généralement pratiqué par des adolescents ou des jeunes adultes non formés au mépris de toutes les règles de sécurité, sinon de bon sens, et qui, à cause de leur inexpérience, prennent des risques inconsidérés. Le backyard, qui veut dire jardin en anglais, a déjà provoqué des blessés graves et est très mal vu par les professionnels du business. Et certains promoteurs n'hésitent pas à refuser catégoriquement des lutteurs ayant pris part à cette pratique. Quelque part, je pense que nous ne pouvons que comprendre la réaction des professionnels de la discipline ou des promoteurs qui pensent avant tout à la sécurité de ces adolescents ou jeunes adultes. Donc, les professionnels de la discipline ou les promoteurs ne disent pas ça pour enquiquiner les jeunes qui pratiquent le backyard wrestling, mais ils disent surtout ça pour la sécurité de ces mêmes jeunes. Le prochain terme, le bait and switch, ou en français appâté et changé. Mais ça fait beaucoup moins bien. Cette expression anglaise est une expression décrivant une arnaque courante proche de la publicité mensongère, consistant à faire de la publicité pour un produit auprès d'un consommateur, puis faire en sorte de fournir un produit différent après l'achat. Dans le domaine du catch, ce procédé est parfois utilisé par des promoteurs qui exaltent les fans en leur faisant miroiter un événement attendu avec impatience, stimulant de ce fait la vente de billets d'entrée ou les achats en ligne. Et finalement, l'événement en question se transformera volontairement en pétard mouillé ou n'aura tout simplement pas lieu. Par exemple, Jerry Lawler, une légende du catch aujourd'hui commentateur, devait catcher contre une autre légende du catch, Bret Hart, de la célèbre famille Hart, au cours de l'événement SummerSlam 1993. Mais Lawler a simulé une blessure et s'est fait remplacer par Doink the Clown. Bien que Doink the Clown soit décédé aujourd'hui malheureusement, je peux vous confirmer que passer de Jerry Lawler I Dunk the Clown, en anglais, ça fait beaucoup moins bien et beaucoup moins rêver. Intéressons-nous maintenant au prochain terme, le Blade Job, aussi appelé Blading, voulant dire lame. Le Blade Job est une pratique qui consiste à se faire saigner volontairement grâce à une petite lame dissimulée pour qu'un coup asséné par l'adversaire paraisse plus brutal. Cependant, ne vous méprenez pas, parfois un catcheur ou une catcheuse saigne, on va dire naturellement, sans besoin d'une petite lame pour se faire saigner. Passons maintenant au terme le blind tag. Le blind tag signifiant relais à l'aveugle en français. Un blind tag est un changement, un relais fait dans un match par équipe sans qu'un des participants ne l'ait vu. Voyons le blow-off maintenant. Le blow-off est le match final dans une feud, une rivalité. Alors que les catcheurs impliqués se dirigent souvent dans de nouvelles rivalités. Cela peut également être le dernier match d'un catcheur pour sa fédération. Intéressons-nous maintenant au blow-up. Contraire de blow-off, mais on va dire la définition n'est pas contraire. Un blow-up signifie littéralement qu'un catcheur explose de fatigue, soit parce qu'il manque d'énergie, soit parce qu'il a réalisé des prises de haute voltige plus tôt dans le match, et le fatiguant sensiblement. Booker. Vous avez peut-être déjà entendu ce terme sans forcément savoir ce qu'il signifiait. C'est très simple. Un booker est une personne en coulisses chargée d'écrire les storylines, les angles, les histoires, décider des combats de la carte et de leurs résultats. Parfois, cela peut être un groupe de bookers. Ce terme va de pair avec le terme que nous allons voir tout de suite, booking. Un booking est ce que fait un booker. Le booking est aussi le terme que le catcheur utilise pour décrire un match prévu ou une apparition dans un show de catch. D'ailleurs, une autre légende du catch utilise le mot booker dans son nom de ring. Il s'agit de Booker T. Ou Booker T, si vous voulez le dire à la française. Voyons maintenant ce que nous appelons dans le monde du catch un botch. Un botch est un mouvement raté involontairement, mettant à mal le kayfabe, terme que nous verrons bientôt, en laissant apparaître l'aspect chorégraphié d'un match. Nous retrouvons le terme brawler que nous avions vu la semaine dernière quand nous avions parlé du brawling. Un brawler est un terme américain qui qualifie un catcheur qui se bat principalement avec des coups et ne réalisant que peu de prises de lutte, ce qui est le principe du style brawling. Passons au terme Broadway maintenant. Non, nous ne parlons pas ici du théâtre de Broadway aux États-Unis. Dans le monde du catch, Broadway ou Broadway, prononcé à la française, est un terme signifiant un match quand deux catcheurs se combattent pour un match nul dans un match à limite de temps de 20 à 60 minutes. Intéressons-nous désormais au terme bull, qui veut dire taureau. Le terme bull, B-U-L-L, est un vieux terme et un terme plus carnavalesque pour désigner tout simplement un promoteur de catch. Voyons désormais le terme « bump », voulant dire « collision ». Un « bump » est tout simplement la chute d'un lutteur au tapis. Et si nous voyons le terme « bury » qui veut dire « enterrer ». Ce terme est donc un terme américain qui se réfère à une relégation d'un catcheur populaire aux yeux des fans. C'est aussi l'acte d'un promoteur ou booker pour causer à un catcheur une perte de popularité en le forçant à perdre de façon humiliante. Ici, c'est ce que nous appelons un « squash », et ou le faire participer à des storylines non divertissantes et dégradantes. Ceci peut être le résultat de vrais désaccords ou feuds entre le catcheur ou la catcheuse et le booker, le catcheur tombant en disgrâce avec la fédération, qui peut aussi recevoir un gimmick, un personnage, à incarner impopulaire, lui causant une perte de crédibilité au regard de son nombre de victoires et de défaites. Ce terme, bury, s'oppose au terme que nous définirons dans une autre chronique, le push. Et enfin, le dernier terme pour la chronique d'aujourd'hui, busted open. C'est un terme américain qui définit qu'un catcheur a le front ouvert, souvent, mais comme je l'ai dit pas forcément, via un blading. Nous arrivons donc à la fin de la chronique d'aujourd'hui, mais comme d'habitude, je vais terminer par un petit message de prévention. Les superstars du catch, hommes et femmes, sont des professionnels de haut niveau très entraînés, pour ne pas dire surentraînés, avec des qualités athlétiques exceptionnelles. En conséquence, il ne faut donc absolument pas tenter de reproduire ou d'imiter ce que vous voyez sur le ring, que ce soit à la maison, à l'école ou n'importe où. Sinon, vous le savez, de graves blessures risquent d'arriver, voire pire que des blessures. Donc, soyez intelligent comme vous l'êtes déjà et ne faites pas ça chez vous. C'est ainsi que se termine cette cinquième partie sur la histoire du catch. Dans la prochaine partie que vous entendrez la semaine prochaine, nous continuerons notre petit cours de définition de termes dans le monde du catch en commençant par la lettre C. N'oubliez pas que vous pourrez retrouver cette émission en podcast sur notre site internet www.radiogamozo.eu, tout attaché, sans accent et avec un T à la fin de Mozo. Et vous pouvez bien sûr réagir à cette émission sur notre page Facebook Radio Gamozo en nous appelant au 03 29 62 40 40 ou encore en venant nous rendre visite à la radio située à l'adresse 8, place de l'Hôtel de Ville à Saint-Étienne-lès-Remiremont. Notre porte est toujours ouverte afin d'échanger avec vous. Nous serions donc bien sûr ravis de vous lire, de vous répondre et de discuter avec vous. En attendant, moi, je vous laisse ici. Prenez soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine. Bonne semaine à toutes et à tous.